Difficile de caser de la lecture dans votre emploi du temps? Avec l'appli Audible, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Romans, polars, coaching ou jeunesse, écoutez-les sur votre smartphone. N'attendez plus. Téléchargez l'appli Audible, le premier livre audio est offert. Bonjour Tiphaine, cette semaine, à l'occasion des 30 ans de la mort de Simenon, nous vous proposons de redécouvrir une semaine de la Compagnie des auteurs consacrée au créateur du Commissaire Maigret. La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour une nouvelle semaine autour de la vie et de l'œuvre d'une grande figure littéraire. Nous parlons cette semaine de Georges Simenon grâce à Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travaglichanal, Didier Pinault et Yanis Djoudad. Simenon est l'homme des légendes. Il aurait eu 10 000 femmes. Il aurait rédigé en 3 jours un roman enfermé dans une cage en verre de 6 mètres sur 6, tout cela sous les yeux du public. Il aurait écrit plus de 430 livres sous différents pseudonymes. Il aurait été l'un des écrivains les mieux payés de son temps. Tout cela n'est bien sûr pas entièrement vrai, mais pas entièrement faux. L'impression, en tout cas, demeure d'une vie contre la montre, d'une vie d'accumulation, d'une tension certes dévorante, mais qui a engendré de très grands livres. Nous allons tenter de le voir jusqu'à jeudi. Jeudi, justement, nous serons en duplex avec Benoît Denis, qui a édité Simenon dans la Pléiade. Il nous parlera de sa manière de composer des romans ainsi que de sa trajectoire éditoriale et de sa place dans le monde littéraire. La veille, mercredi, nous aurons parlé avec Bernard Allavoine du personnage de Maigret et aussi du rapport de Simenon avec les sensations, les goûts et l'expérience du monde en général. Enfin, demain mardi, Pierre Assouline viendra détailler avec nous quelques entrées de son auto-dictionnaire Simenon de manière à réaliser un panorama de l'œuvre. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour notre émission biographique, je reçois l'universitaire et scénariste Michel Carli. Il a beaucoup écrit sur l'auteur des Maigret depuis Le Pays Noir de Simenon chez Céphale en 1996, en passant par Maigret Traversée de Paris en 2001 chez Omnibus, sans compter, il y a quelques mois, un livre qui ressemble à une sorte de résumé de tous les autres. Il s'appelle « Sur les traces de Georges Simenon ». C'est aux éditions Renaissance du Livre. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des auteurs. La raison pour laquelle j'ai surtout des amis médecins, et nous en revenons à votre question, c'est que j'ai à peu près le même genre d'intérêt en l'homme que le médecin. Le médecin regarde l'homme un peu de la même façon qu'un écrivain doit regarder. Comment l'écrivain regarde-t-il l'homme? En essayant d'abord de sentir cet être. Ce ne sont pas les points de force qu'il faut chercher chez l'individu, ce sont les faiblesses. C'est parce qu'on n'aime pas quelqu'un pour sa force, on aime quelqu'un pour ses faiblesses. Entretien avec Thérèse de Saint-Phal en 1968. Bonjour Michel Carli. Bonjour. Ce qui nous vient à l'esprit quand on pense à Georges Simenon, c'est plutôt la force que la faiblesse, en tous les cas dans le domaine de l'écriture. Oui, mais essentielle phrase, puisque en fait, il a toujours dit « moi je préfère l'homme qui a ses faiblesses ». Il a employé un autre terme qui est aussi intéressant, qui va élargir le débat, c'est l'homme nu. Alors l'homme nu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'inverse de ce que vous voulez être, vous, nous, moi nous aussi, etc. On est tous habillés. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'homme nu qui est en train de se raser le matin et, si vous voulez, qui n'a rien pour se soutenir. Pas de costume, pas de cravate, pas de carte d'identité, etc. Pas de carte de visite. Et c'est cet homme-là qu'il a exploré de par le monde, parce que en fait, une fois qu'il est sorti de son premier cercle dont on va parler, il a été omnubilé par l'homme de partout. Qui est le même partout, c'est la conclusion à laquelle est arrivé Georges Simenon, à part quelques petites différences. Il est arrivé à une conclusion assez lucide et assez intéressante comme sujet de au bac, tiens, c'est que de par le monde, les hommes sont frères, mais les hommes ne sont pas fraternels. Lui non plus n'était sans doute pas fraternel, en tout cas pas toujours. Alors c'est l'idée de force qui nous retient quand on pense à Simenon, parce que c'est, comme vous l'appelez Michel Carli, un forçat des mots. Vous rappelez qu'il écrivait 6 à 8 000 mots par jour. J'ai cité le chiffre de plus de 430 romans publiés sous différents pseudonymes. Est-ce que c'est un chiffre qui vous semble crédible ? Si, ce ne sont pas des romans seulement, ce sont des petits contes, des petits récits, 17 pseudonymes, ça c'est sûr et certain. Ça c'est quand il se fait la main, comme il dit. Gammes. Oui, il fait ses gammes, c'est à son arrivée à Paris, quand il essaye, si vous voulez, d'aborder l'écriture. Et alors de temps en temps, dans ses premiers récits qu'on appellera les récits populaires, il va de temps en temps essayer une page où là germe, si vous voulez, le futur écrivain qui s'essaye. Et puis alors, quand il va être capable, dit-il, de mettre dans une même scène, dans un lieu dont il définira ou fera ressentir l'atmosphère, quand il pourra mettre 3 à 4 personnages, eh bien là, il se dira qu'il a avancé d'une étape, si vous voulez. Mmh. Et là, le roman policier va l'aider. Pourquoi ? Parce que, dit-il, le roman policier, il y a des rampes. Il emploie le mot rampe. C'est-à-dire qu'il y a un crime, il y a un assassin, il y a un modus operandi et il y a une enquête. Et c'est à ce moment-là, quand il sera capable de quitter ces rampes du roman policier, qu'il va larguer Maigret pour le reprendre plus tard, mais pour d'autres raisons. Donc il y a les Maigret et puis il y a tout le reste, oui. Tout le reste, c'est-à-dire ce que Simenon a lui-même appelé les romans de la destinée. Oui, il a appelé ça roman dur, roman de l'homme, roman de la destinée, mais il largue... Est-ce que les Maigret, c'est des romans doux ? Non, il disait c'est des romans faciles à écrire, et des romans faciles à écrire parce qu'il y a les rampes, et puis aussi c'est les romans où il n'allait pas jusqu'au bout, parce qu'il emploie un terme extraordinaire, il dit un roman dur, qu'est-ce que c'est ? Pivot lui non, mais dur à écrire, non, mais dans une autre interview il précise, je suis comme un dentiste, je fords dans la dent jusqu'au moment où ça fait mal. Et là, à ce moment-là, je sais que j'ai dénudé mon personnage. Toujours la métaphore médicale. Alors reprenons, si vous le voulez bien, la vie, Michel Carli, de Georges Simenon. Je venais de naître. Le vendredi 13 février 1903, à minuit 10. Et c'est ma mère qui est questionnée du fond de sa torpeur. Quelle heure est-il ? On lui a dit l'heure. Mon Dieu, il est né un vendredi 13. Il ne faudra le dire à personne. Elle le fait promettre à la sage-femme. Il ne faut pas qu'il soit né un vendredi 13. C'est pourquoi, quand le lendemain matin, mon père, accompagné de son frère Arthur, est allé me déclarer à l'hôtel de ville, il l'a fait inscrire, en prenant un air innocent, « Né le jeudi 12 février 1903 ». La compagnie des auteurs sur France Culture avec cet extrait de « Je me souviens » lu par Paolo Goya. Et la vie de Simenon, on s'en rend compte, est placée, Michel Carli, dès le départ, sous le signe d'une incertitude, voire d'un mensonge. D'un mensonge. Et c'est, l'extrait est très intéressant parce que c'est bien la réalité. C'est le père qui trafique. Non, par superstition, simplement. C'est peut-être plus important... Et pas la mère, parce qu'on a dit beaucoup que c'était Henriette, justement, sa mère. On a dit que c'était la mère. Moi, j'ai retrouvé la lettre de la mère qui dit non, c'est le grand désiré qui a voulu tricher. Mais c'est, la date a peu d'importance, sauf pour un contexte historique dont nous ne parlons pas ici. Mais le lieu a de l'importance. Mm-hmm. Le lieu, c'est-à-dire que c'est une petite ville de province. 166 000 habitants, Liège, oui, à l'époque. Voilà, à l'époque. Et là, il va faire, si vous voulez, l'apprentissage de la porosité. C'est-à-dire que, oui, c'est un petit garçon comme un autre, mais non, ce n'est pas un petit garçon comme un autre. C'est-à-dire que, d'abord, la porosité des atmosphères, le fameux mot qui colle au dos de Simenon, il va être poreux aussi à l'égard des adultes, la vie des adultes, la vie des adultes le déçoit souvent. Mm-hmm. On a une grande période de la guerre 14-18, donc les lâchetés, il enregistre à la fois les paysages, les atmosphères, une certaine météo aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, on est dans un espace nord. Mais aussi les lâchetés des adultes, les ambiguïtés des adultes. Par exemple, moi je suis persuadé, par exemple, que le père, qui décède assez rapidement, il va être orphelin de père très vite, le père a, disons, décède d'un problème cardiaque, mais absolument pas à son bureau, comme on le dit dans les bonnes biographies, mais dans une maison de tolérance assez proche, mm-hmm, que j'ai retrouvée d'ailleurs. D'accord, bon, alors ça c'est une chose qu'on apprend. Donc on est dans une grande ambiguïté, hein, ouais. Donc ça c'est un premier inédit. Tiens, et voilà. Puis il y a aussi la honte sociale de naître dans une famille d'outre-Meuse, voilà, c'est-à-dire du mauvais quartier au fond, oui, de Liège. Oui, ce qu'il a défini comme les petites gens. Je sors des petites gens, mais à un moment donné, très vite, en traversant la passerelle qui surplombe la Meuse à Liège, il va dire, l'adolescent Simenon dira à sa mère, tu sais, dans la vie, il y a les fesseurs, mm-hmm, et les fessés, et moi, je ne veux pas être du côté des fessés. Ça veut dire je veux être du côté des gagnants et pour gagner il faut finalement l'emporter sur l'autre. L'emporter sur soi-même d'abord, parce que c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, vous savez, comme un spéléologue qui se remonte tout seul à la force des poignets. Ça c'est une énergie extraordinaire, parce qu'il ne réussit pas seulement par son talent, il réussit par son énergie et par son désir et aussi par sa peur d'être un raté. C'est sa propre expression. Alors, il va à l'école, notamment à l'Institut Saint-André des Frères des écoles chrétiennes. Mmh. Et en face de cet établissement, sa mère va s'installer avec sa famille dans une maison où il y a des pièces qui permettent d'accueillir des étudiants venus de toute l'Europe pour faire des études. Comme ça, elle loue ces chambres-là. Ça va être très important pour le petit et le jeune Simenon. Oui, absolument, parce que c'est la mère qui décide. Le père, lui, n'a rien à décider. La mère décide, elle loue cette maison pour pouvoir louer des chambres à des étudiants et à des ingénieurs, parce qu'on se trouve dans une ville industrielle, de toutes les nationalités. Ça va être une sorte d'éducation à l'ailleurs, et aussi d'une manière sensuelle, parce qu'il y avait des étudiants, mais aussi il y avait des étudiantes. Ouais. Et c'est quelque chose de lourd à porter dans la famille, parce que c'est la mère qui a peur de manquer d'argent. Parce que le problème de l'argent est au cœur des douleurs de l'enfance et des frustrations de l'adolescence chez le petit Simenon. Donc ça c'est pour la mère, allons voir du côté du père à présent. La mémoire de mon père que j'ai perdu malheureusement lorsque j'étais jeune, puisque j'avais pas encore 18 ans quand il est mort, m'a toujours assez hanté. Mon père était une sorte d'humble et de résigné en même temps, mais de résigné sans que ce mot-là comporte ni de tristesse ni même de mélancolie. Mon père adorait la vie, avait choisi de vivre à tel niveau parce qu'il connaissait ses forces, il connaissait ses moyens, et est resté à ce niveau en s'en contentant toujours, n'est-ce pas ? C'était pour moi un énorme exemple de sagesse, et avait aussi bien pour les choses que pour les gens, que pour les animaux, que pour n'importe quoi, la même sympathie. Il aimait tout. Il aimait tout le monde et il aimait tout. Mais voilà pourquoi, évidemment, j'ai pour lui une telle vénération, et voilà pourquoi quand j'ai voulu créer un personnage sympathique et un personnage comprenant tout, c'est-à-dire le personnage de Maigret, j'y ai mis malgré moi un certain nombre de traits de mon père. Il a donc beaucoup aimé son père, Michel Carli, et il le disait, le personnage de Maigret lui doit énormément. Pour deux choses, par exemple, excellent extrait, votre choix est judicieux, parce que il y a dans le personnage de Maigret deux aspects du père qui sont intéressants. Le premier, c'est la déambulation, que vous en avez retrouvé dans le piéton de Paris que sera Maigret. Et puis alors, le père apprend à Simenon cette chose extraordinaire qu'il va mettre dans Maigret, comprendre, mais ne pas juger. Oui, ça c'est Maigret, mais est-ce que c'est Simenon aussi, comprendre, mais ne pas juger? Parfois oui, parfois non. Si on regarde les 3000 pages des dictées, c'est-à-dire de ce qu'il va écrire en autobiographique, parfois c'est horrible, il donne son avis comme ça à l'emporte-pièce, et parfois il dit « je comprends ». La compréhension à l'égard, par exemple, des prostituées, des filles vénales, est assez exceptionnelle chez Simenon, mais parfois c'est pas le cas. Pour De Gaulle ou pour les hommes politiques, par exemple, c'est pas le cas du tout. En tout cas, il y a une vénération pour ce père qui est évidente, oui. Et on le lit dans la description très peu voilé, qu'il en donne notamment dans Pédigré. Bien sûr, dans Pédigré, dans Je me souviens, tout ça, il l'a perdu tôt, son père. Et il y avait, je pense, une certaine complicité quand, par exemple, le père le couvre, comme on dit, quand il a ses petites amies, quand il loue sa première garçonnière, je parle de Georges Simenon, etc., le père le couvre. Donc il y a une complicité aussi à l'égard de l'agent féminine. Ça ne s'oublie pas. Alors, en revanche, du côté d'Henriette, c'est un peu plus difficile. Il s'est senti privé d'amour de la part de sa mère au profit de son frère cadet Christian, dont on a toujours dit que c'était le préféré. Il était en effet, Christian, sans doute, un garçon plus facile. Et ça, toute la vie de Simenon, ça va être une sorte de blessure. C'est une blessure. Vous dites très bien, et vous avez raison, il l'a senti comme ça. Parce que, bon, c'est vrai que la mère Simenon ne devait pas être une personne souple. Elle était engluée dans la piété, la peur du qu'en dira-t-on, etc. Il disait, c'est bien la religion et la morale qui ont gâché mon adolescence. Oui. Et il disait aussi, sans ma mère, peut-être n'aurais-je pas été un révolté. Bien sûr, parce que la mère va devenir, à un moment donné, le punching ball sur lequel il va pouvoir boxer, si vous voulez. Et donc, mais cette mère-là, il va, si vous voulez, la multiplier dans ses romans. Donc, et je crois que il faut être objectif, et ici on est entre nous, si vous voulez. Personne n'écoute. Le grand problème de la mère, c'est la frustration affective et sexuelle, et tout va venir de là, bien entendu. Elle veut d'ailleurs que son petit Georges devienne curé ou fonctionnaire et arrive vierge au mariage, ce qui fut impensable. Voilà, ça n'a pas été en effet exactement le cas. Par exemple, René, dont il parle dans Pédigré, c'est la première jeune fille qu'il ait aimée. Et puis c'est aussi la découverte de l'amour physique. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il en parle dans Pédigré. Ce sont peut-être les plus belles pages de Pédigré, les plus ensoleillées, on dirait du Monet, si vous voulez. Et contrairement à beaucoup d'écrivains qui voient cette première initiation comme quelque chose d'ambigu, de sale, de pas valorisant ou pas valorisant pour eux-mêmes. Au contraire, lui, il est heureux, il est projeté au septième ciel, il devient lui-même, et c'est à partir de là, d'ailleurs, dit-il dans certaines confessions, il le dit, c'est à partir de là que j'ai décidé de ne faire que deux choses, écrire et les femmes. Oui, c'est ça. En lisant votre biographie, on a le sentiment que l'essentiel de sa vie, hormis l'écriture, c'est les femmes, et dans le même temps, vous relativisez aussi l'idée de l'homme aux 10 000 femmes. Mais oui, parce que c'est un calcul rapide qu'il a fait au moment de la sortie du Casanova de Fellini, en parlant avec Fellini. Mais en fait, c'est le chiffre ne représente rien, mais c'est vrai que c'est une chasse perpétuelle. Alors, on peut pas faire de la psychologie à 10 balles et de dire, oui, c'est la maman qui... Et c'est vrai qu'il a ressenti une frustration, un manque d'amour de la part de sa mère. Mais de là à faire nécessairement une liaison entre ceci et cela, c'est un peu facile, je veux dire. Hein, c'est un peu facile. Alors, il y a des femmes qui sont restées. Il y a d'abord Régine, qui sera sa première femme. Oui, qui était une peintre. Qui était une peintre. Oui, alors, oui, je crois que ce n'était pas l'amour fou. Ils s'étaient mariés comme ça, mais vraisemblablement... l'amour s'était émoussé assez rapidement, malgré tout. Mais c'est-à-dire que, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est encore un problème sociétal ou de classe sociale. Il passe d'une tranche à l'autre. C'est une famille bourgeoise, des libres penseurs, donc une belle maison, superbe, etc. Alors que chez les Simenon, on loue des petites maisons ou parfois des appartements. Et le fait de vouloir épouser Régine, c'est déjà, j'accède à une certaine petite bourgeoisie que les autres voudraient atteindre, mais moi, je suis le premier et c'est moi qui entre dans la maison des Ranchons, puisque ça, elle s'appelait Ranchon. Ouais, et puis des amours, donc il y en aura beaucoup. Oh, oui. Yolande, en même temps. sa servante Boule, Denise aussi, et puis les femmes récréation, comme les appelait Denise elle-même, qui devait évidemment partager son... Elle organisait très souvent les rencontres. Hein. Mm-hmm. D'ailleurs, elle va l'expliquer un jour à un visiteur dans les années 50. Elle organisait, et ça correspondait à ce qu'elle voulait. Mmh. Et ça correspondait évidemment à ce que voulait Simenon, d'autant plus que sa première épouse était très jalouse. Et voilà, on est là dans les ambiguïtés de couple. Alors, il y a un amour qui sort du lot, c'est peut-être le double féminin, en tout cas dans l'érotisme de Simenon, c'est Joséphine Becker, qu'il rencontre en 1925, au moment où il arrive à Paris. Ben, c'est-à-dire, c'est surtout au moment où Joséphine arrive avec la revue Nègre, hein, et avec Ciné Béchette dans la bande aussi, et ils ont à peu près le même âge, tous les deux, et ils sont attirés par le même érotisme, un érotisme intense. Mais la différence, le problème, c'est que Simenon n'est pas encore célèbre et que Joséphine va le devenir très vite. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Simenon avec Michel Carli, Simenon qui part pour Paris depuis Liège, où il a vécu une vie assez intense déjà. Oui, mais marqué par un métier, c'est son premier métier qui va le marquer à vie, c'est un journaliste. Dès l'âge de 16 ans. Dès l'âge de 16 ans, il entre pour Les Chiens Écrasés d'abord, mais d'abord très vite comme chroniqueur. Il n'a pas toujours une bonne orthographe, mais il a une bonne plume déjà. Il a une bonne plume. Et quand on lui demandait, mais qu'est-ce qu'il faut faire, quand il a été une star de la littérature, mais que faut-il faire pour être un bon écrivain, il disait, commencez par être un petit journaliste dans un journal de province. Ouais. Alors c'est quand même quelqu'un qui sait où il va quand il pose le pied, oui, Gare du Nord en 1923. Oui, il sait où il veut aller. Mais seulement, toutes les rédactions sont pleines. Et c'est justement là que se passe, si vous voulez, l'aiguillage. L'aiguillage se met en route à Paris parce qu'il voulait faire une carrière de journaliste. Il avait envie d'écrire, hein, mais bon, il n'osait pas, d'une certaine voilà, façon, il n'osait pas encore ça. Se lancer. Mais toutes les places étaient prises. Alors petit à petit, dans sa petite chambrette sans feu là-bas des Batignolles, il va commencer à écrire des petits textes qui vont se former. Et là, il apprend les mots, il apprend les personnages, et puis il va faire le tour des rédactions pour placer dans des petites publications du style Froufrou, Paris Plaisir, des choses comme ça, des petits contes coquins ou parfois même des récits ou des souvenirs sensuels. Mais j'ai retrouvé, par exemple, dans certains textes qui sont très courts et qui sortent comme ça, vraiment dans des littératures, dans une littérature de gare, parfois il y a un éclair déjà, et j'ai retrouvé des scènes de rue où il y a un policier, où il pleut, où il y a les filles sur le trottoir. On est déjà dans une prémonition. Oui. De ce que sera les Maigret qui vont apparaître en 31. Alors justement, comment arrive-t-il ces Maigret? Je crois qu'il est d'abord esquissé, le personnage, sous un nom qui est presque un nom de code, oui. M49, oui. Dans L'Amant sans nom. Oui, c'est un roman populaire. Alors ça, c'est l'arrivée d'un personnage un peu étrange, entre l'aventurier genre Arsène Lupin et puis le personnage de policier quasiment fonctionnaire. C'est assez étrange comme personnage. C'est-à-dire que l'erreur qu'on a généralement commise, c'est de croire que Maigret arrive comme ça, boum, hein, un peu comme Sherlock Holmes arrive très vite pour Conan Doyle. Mm-hmm. Pas du tout. Il y a une progression. D'abord, il y a un doute, comme vous disiez très bien. Est-ce que je fais... Il a fait Jean Dupéry, qui est un Arsène Lupin, disons, à la Simenon. Ou bien, est-ce que je fais autre chose? Mais là, il n'a pas encore d'idée. Et petit à petit, il crée un personnage qui a, si vous voulez, une stature, quelque chose de rassurant. Mmh. Or, Simenon, c'est quelqu'un qui n'est jamais rassuré. Mmh. Donc, il a déjà un transfert dans quelque chose qui est massif, qui est placide, où il y a une équanimité du personnage. Et petit à petit, cette espèce de policier qui apparaît, une fois il est dans train de nuit, il est flic à Marseille, mais il apparaît dans 3-4 chapitres. Alors, à un moment donné, quand il est dans les Pays-Bas, sur son bateau l'Ostrogo, il va, à un moment donné, se dire « Tiens, je vais créer un personnage à partir de tout ça. » Mais ça se fait petit à petit, et alors Maigret apparaît. Mais l'erreur qu'on a commise, c'est de dire « Ah ben ça y est, il a écrit un premier Maigret. » Non, pas du tout. Il ne savait absolument pas que ce personnage, il allait le rééditer. Il a créé un personnage qui était là, qui lui plaisait bien, mais il ne savait pas qu'il allait faire une série Maigret. C'est seulement quand il va chez Fayard en disant « Voilà, j'ai créé ça. » Fayard dit « Ça va être un four, c'est nul. » Mais Fayard le publie tout de même. Mais il le publie dans sa publication Riquérac, qui est qui n'est pas un livre d'abord. On va essayer, dit Fayard. Mais Fayard dénonce, si vous voulez, ce qui a plu au public. En disant ça ne marchera pas parce que c'est pas un beau garçon, il saute pas au-dessus des tables, il n'est pas génial, il n'a pas de loupe, il n'est pas de cellules grises, rien du tout, il n'a même pas d'amour, il n'a même pas de petite amie, ça va être un four. Mm-hmm. Et c'est justement parce que Maigret a cette rassurance que ça va tout de suite fonctionner. C'est un peu comme l'inspecteur Derrick, hein, finalement. Il a 28 ans quand il invente vraiment Maigret. Donc c'est quand même un jeune homme qui, tout d'un coup, se projette dans cet inspecteur que vous avez commencé à décrire, qui a, lui, une quarantaine d'années, qui est un humaniste un peu lourd, un peu pâteau, alors que lui-même, c'est un séducteur, Simenon. Donc il y a vraiment une opposition. C'est même incroyable d'imaginer que Simenon puisse donner vie à ce personnage de Maigret, Michel Carli. Et c'est ça justement la deuxième étape après les essais du populaire, etc. C'est lui qui n'a finalement, je vais dire, pas encore une grande maturité. Il est capable de créer un personnage qui a justement cette masse. Et plus tard, il expliquera dans une interview que pour que Maigret fonctionne, il faut que ça soit une masse dans la foule et que cette masse attire les gens. Mmh. Il est capable, bon, on voit ça dans le film Maigret en piège, où Maigret prend les mains du coupable, comme un père prend les mains d'un fiston qui a commis une erreur, et dit, vas-y, lâche-toi, dis-le, ça fera du bien. Mmh. Donc, là, il a créé quelque chose qui était peut-être un idéal pour lui. D'ailleurs, quand j'ai préparé Maigret traversé Paris, quand j'ai travaillé avec les flics du 36 des Orfèvres de cette époque, eh bien, ils me disaient tous, Maigret est toujours là au 36 quai des Orfèvres, mais c'est quelqu'un qui nous attire parce qu'on voudrait atteindre ce qu'il est, son état d'humanité. Mmh. Mais Maigret pas mort, même quand le 36 maintenant a déménagé. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. On marque donc une pause dans cette émission avec vous, Guillaume Ledouarin de la revue Page des Libraires. Bonjour à vous, Guillaume. Bonjour, merci de m'inviter encore aujourd'hui. Alors, trois conseils de lecture aujourd'hui. Le premier, c'est un livre de Ernst Lothar, on va voir que le deuxième aussi, mais on commence par le premier. Ça s'appelle Mélodie de Vienne et c'est publié chez Liana Levy. Alors là, on parlait d'aventure et d'histoire de famille et on va être complètement plongé dans tout ça. Je vais d'abord vous parler très rapidement d'Ernst Lothar. C'est un homme de loi au départ, un procureur. Il devient écrivain en 1925. Il est autrichien, il faut le dire. Il est autrichien, c'est un juif viennois. Et malheureusement, il est obligé de fuir l'Autriche au moment de l'Anschluss en 1938. Et il part s'exiler aux États-Unis. Après, à son retour en Europe, il dirige le Burgtheater, qui est un des théâtres mondialement connus et les plus importants au monde. Et je pense que le fait que ce soit un homme de théâtre, ça a une grande importance dans l'écriture de ses livres. Et moi, je suis rentré dans l'œuvre de Ernst Lothar en 2017 grâce à Mélodie de Vienne. Et c'est l'histoire, c'est une grande saga familiale, c'est l'histoire de cette famille, les Alt, qui sont des fabricants de pianos. Et il y a une unité de lieu qui est cette grande maison viennoise où toute la famille est logée. Au rez-de-chaussée, il y a la grand-mère qui dirige toute cette petite maisonnée d'une main de fer. En 14, la Première Guerre mondiale se déclenche. Et évidemment, tout ça va perturber l'organisation de cette famille, d'autant qu'une jeune fille, Henriette Stein, va venir bouleverser aussi l'ordre bien corseté de cette famille bien viennoise. Et là, vous partez dans cette aventure de cette famille. C'est impressionnant. On est vraiment embarqué. C'est un tourbillon dans l'histoire. Moi, j'ai découvert Ernst Lothar grâce à ce premier titre. Et alors, une fois qu'on l'a découvert, on ne peut plus le lâcher visiblement parce qu'on veut lire l'autre livre dont vous allez donc nous parler, Revenir à Vienne. Et alors voilà, donc, c'est la suite. Alors, c'est pas tout à fait une suite, mais c'est un livre qui m'a aussi peut-être même plus touché parce que là, c'est ce que je vous disais en introduction, Ernst Lothar a dû s'exiler en 38 au moment de l'Anschluss et Revenir à Vienne, c'est l'histoire de Ernst Lothar. Mais ce que j'ai aimé dans ces personnages, j'essaie d'en parler avec passion, mais on est vraiment entraînés. C'est-à-dire qu'ils arrivent en France, ils sont dans le train, ils redécouvrent la nature, la vie qui avance. Et puis, il y a aussi le personnage très important, la grand-mère Victoria, qui est hallucinante de snobisme, qui c'est vraiment la viennoise qui s'habille, qui veut avoir un certain statut. Mais en même temps, elle a toujours une intransigeance morale et elle ne transigera pas sur ses engagements politiques. Alors, le troisième ouvrage dont vous voulez nous parler est celui d'un auteur japonais qui s'appelle... le livre s'appelle La Grande Traversée et c'est chez Actes Sud. Alors ça, c'est aussi une autre traversée. C'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup plu. En fait, on rentre dans ce livre vraiment à pas feutré. C'est très japonais, très lent. Mais on ressort de ce livre vraiment conquis et bouleversé. C'est une histoire assez simple. C'est un jeune homme qui s'appelle Majime qui va être recruté. C'est une sorte de Bartleby un peu à la japonaise, complètement décalé. Mais ce jeune homme, en fait, va se passionner. Il va être embauché pour créer un dictionnaire, un des plus beaux dictionnaires du monde. Donc, dans la maison d'édition, il travaille dans un coin obscur de la maison d'édition. Ça ne sert à rien, mais il va créer ce dictionnaire parce qu'il pense que les mots, c'est quelque chose d'important. Ça permet aux humains de dialoguer. Ça permet aux gens de savoir de quoi on parle. Donc, lui, il va consacrer sa vie à la réalisation de ce dictionnaire. Il n'a jamais connu l'amour. Peut-être va-t-il connaître l'amour. Il y a une lettre dans ce livre qui est très importante parce qu'il ne s'est pas déclaré sa femme. Donc, Donc il va faire une lettre de 16 pages qui refera son apparition dans le livre. Je ne vous dis pas si ce dictionnaire va se faire. On le saura une fois qu'on aura lu le livre. C'est un livre vraiment bouleversant et très touchant. Un très très beau livre. Merci et puis n'oubliez pas de vous procurer Page des Libraires en librairie. À très bientôt. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au premier jour d'une série consacrée à Georges Simenon. Nous sommes avec Michel Carli qui nous raconte les grandes étapes de la vie de l'écrivain. Du point de vue du caractère français, je considère que l'homme est le même partout. Il y a très peu de détails qui diffèrent entre les différents peuples. Ce sont surtout des détails matériels, des détails pittoresques, des questions de vêtements, de petites habitudes, de manger à telle heure ou à telle heure, de boire telle boisson ou telle autre. Au fond, le fond de l'homme est le même partout. Néanmoins, il y a un certain nombre de petites différences. Eh bien, vivant avec les Américains, comme les Américains, pendant 10 ans, j'ai beaucoup mieux vu ce qui caractérise le français, ou plus exactement, mieux senti. J'ai mieux senti la France de cette façon-là que je l'avais senti en y vivant 25 ans. Je pense que si je vous demandais ce que représente pour vous la France, vous me renverriez à vos livres. Mais c'est quand même une question que j'ai bien envie de vous poser. Ben, écoutez, ça représente ce que j'appellerais mon pays, si je peux me le permettre, n'est-ce pas? Je me considère à la fois comme belge et comme français, mais il est certain que dans mon esprit, je suis un écrivain français, je suis à mon aise en France, je suis chez moi en France. C'est tout ce que je peux vous dire de ce point de vue-là. La France, Michel Carli, Simenon l'a connue plus qu'intimement, il y a vécu de nombreuses années. Quel rapport avec ce pays? Est-ce que c'est un reniement aussi de la Belgique d'avoir passé autant d'années chez nous, en France? Non, ce sont les cercles qui s'agrandissent, hein, puisque toute la vie de Simenon, elle commence dans le petit appartement, Outremeuse, puis Liège, qu'il découvre. Et puis alors, il arrive à Paris, mais à un moment donné, Paris, il l'a c'était absorbé. Aussi, il l'a trop absorbé petit, complètement. D'une certaine C'est-à-dire façon. Que c'est fini, il n'a plus de surprises. Alors donc, il va découvrir la France. Alors, il va découvrir la France à l'inverse de tout le monde, parce que Simenon est toujours à l'inverse de tout le monde. Il va dire qu'on voit la France uniquement par les canaux et les rivières et les fleuves. Donc, il va acheter vraiment une coquille de noir, qui s'appelle le Ginette, et qui a un moteur de deux chevaux et demi, voyez. Et en 1928, il va faire le tour de France pour découvrir l'autre visage de la France, comme il va essayer de découvrir l'autre visage des hommes de par sa vie. Et puis alors, quand il aura, si vous voulez, absorbé la France, qui va devenir vraiment, je vais dire, le territoire essentiel de ses romans, eh bien, quand c'est trop petit, alors commencent les voyages. Mais avant, il y a l'étape qui va vous faire plaisir, puisqu'il y a La Rochelle. Alors, La Rochelle, c'est une ville qui lui tient au cœur et au corps et au port, sans jeu de mots, avec P-O-R-T et P-O-R-E. C'est-à-dire que c'est à la fois une ville qui est liée à la mer, et en même temps, c'est une ville de départ. Et ça va être sa ville de départ, puisque c'est à partir, dans les années 30, cette fois-là, c'est à partir de cette ville qu'il va découvrir, cette fois-ci, le monde. Alors, ville de départ, mais il reste quand même très longtemps à La Rochelle. Toutes les années 30, il a décidé de ne pas jouer les touristes dans cette ville, mais de découvrir vraiment la vie des Rochelais. Quand même, on peut se poser la question, outre le fait que c'est un port et que c'est donc une ouverture sur le reste du monde, pourquoi le choix de cette ville? Mais parce que derrière les murailles du port, il y a les grandes familles des armateurs, et ça, il s'en pour lèche les babines en disant c'est le côté Balzac, hein, c'est le côté balzacien, hein, les grandes familles. Bah, c'est à la mode à l'époque, hein, dans les romans aussi. Hein, les grandes familles qui cachent les secrets, les protestantes en plus. Donc il va trouver à la fois dans La Rochelle ce basculement entre une bourgeoisie qui se cache derrière une sorte de rigueur morale qu'il va égrabouiller dans ses romans, Le Testament donne à Dieu par exemple, et en même temps il y a les marins. Donc il y a vraiment la dualité, parce que c'est peut-être le moment de dire, de massacrer la légende qui dit que les personnages de Simenon, ce sont des petites gens. Mais c'est complètement faux. Simenon va prendre toute la pyramide humaine et toute la pyramide sociale. Je vous donne deux titres. Il y a Maigret et Clochard, et Maigret chez le ministre. D'accord, on a fait le tour, et puis Donadieu, le riche homme, les anneaux de Bicêtre, ce sont des gens qui sont au sommet. Et alors, si je vais au sommet complet de la pyramide, ben, c'est son roman Le Président, qui est le président du Conseil, ce me semble. Donc La Rochelle, quand même, pour lui, c'est une période où il va écrire moins de Maigret, et plutôt ses romans durs ou ses romans de la destinée, donc des romans plus psychologiques, peut-être. Ah, il a arrêté d'écrire le Maigret, parce que les rampes, il les a, maintenant, il se sent incapable d'écrire un roman sans rampe. Mm-hmm. Donc il va multiplier les personnages dans Le Testament donne à Dieu, par exemple, et là, c'est des romans de l'homme, c'est des romans durs, hein, et il n'y a rien à faire. En fait, je vais dire que ce n'est pas insultant du tout à l'égard d'une ville qui vous est chère. La Rochelle va être son laboratoire humain, où il va pouvoir, si vous voulez, gratter et aller chercher les fissures. Et notamment dans Le Voyageur de la Toussaint, on ne sait pas très bien si il apprécie finalement cette ville quand on lit Le Voyageur de la Toussaint. Absolument. Parce que c'est pour les Rochelais finalement très très difficile, très très dur à l'encontre des Rochelais. Enfin pas de tous, il y a aussi des personnages positifs, mais de la grande bourgeoisie dont vous parlez. Mais à l'encontre encore du syndicat des armateurs qui écrase le personnage qui arrive. Donc c'est en effet un parti pris de Simenon. Alors vous parliez du bateau tout à l'heure. Et des canaux. Mmh. Et c'est vrai que Maigret, ce personnage-là, a été élaboré sur un bateau. C'est important pour vous qu'il soit né dans ces conditions-là ? Pour moi, je ne sais pas, mais pour le personnage et pour Simenon, oui. Dans le sens où, disons que l'accouchement définitif, hein, on a parlé de plusieurs essais avant, mais l'accouchement définitif de Maigret, Simenon, pour vous donner une idée, est dans une barge, il y a 15 cm d'eau, il met trois caisses, une pour son derrière, une pour sa machine à écrire, et une pour la bouteille d'alcool qu'on appelle le Bols en Hollande, et c'est d'alcool blanc. Et il va commencer à taper, et comme il fait froid, il explique hein, dans une interview aussi, Simenon, il donne un poil qui ronfle l'enfer dans le 36 Quai des Orfèvres. Et c'est là que naît, semble-t-il, Pete le Letton. On n'a pas de certitude, Maigret, hein, c'est ça. Mais c'est, semble-t-il, là que naît, peu importe son titre, le premier Maigret. Et là, le personnage est complet dès le premier roman. Il y a Madame Maigret, il y a la Brasserie Dauphine, il y a le 36 Quai des Orfèvres, il y a la pipe, et il y a déjà cette force tranquille. Voilà, c'est la force tranquille. Et c'est une réussite immédiate, parce que pratiquement les premiers lecteurs... moi, j'ai retrouvé les relevés de Fayard dans toutes les gares parisiennes. On voit que la vente est exponentielle. Et puis, les premiers lecteurs, presque les premiers lecteurs, ce sont les flics du 36, les vrais. Mais ça, c'est pour tous les Maigrets. Ou alors, il y en a qui vont mieux fonctionner que d'autres, parce qu'on a l'impression d'un espèce d'immense roman avec différentes parties. Est-ce que pour vous, il y a des bons, des mauvais Maigrets? Est-ce qu'ils sont très différents les uns des autres? Mais ils sont différents dans le sens, d'abord, qu'il y a la première période, c'est Fayard, parce que en 34, il arrête Maigret. Il n'en a plus besoin, il n'a plus besoin des rampes, et il va reprendre Maigret, après, pour des raisons financières, d'abord, parce que Gallimard lui dit, dites donc, Maigret, ça marchait mieux que les romans durs, hein, parce que c'est devenu un personnage mythique, grâce au cinéma. Après, ça sera la télévision. Et parce que très tôt, c'est adapté au cinéma. Les premiers Maigret, le bal anthropométrique à Montparnasse qui lance les trois premiers Maigret, c'est février 31. Et en 32, il y a déjà Le Chien Jaune et La Nuit du Carrefour. Ouais. Le bal anthropométrique, c'est une immense soirée littéraire qui a lancé avec 1000 invitations dans Paris. C'est plutôt une soirée qui est un peu orgiaque, où il y a des filles qui se dénudent, etc. Non, mais c'est la même chose. C'est une façon. Enfin, il a inventé en tout cas une manière de mettre en scène le lancement. Il a compris qu'il fallait faire le buzz, l'événement, déjà en 31. Et puis, Maigret, puisque vous posiez la question, après Maigret va être pris, et les grands Maigret sont dans les années 50, mais au fur et à mesure, ils s'adaptent. La société avance, mais les Maigret mettent la télévision dans leur maison, enfin dans leur appartement. La compagnie sur France Culture. Alors, Michel Carli, on l'a dit, La Rochelle a été dans les années 30 son port d'attache. C'est de là qu'il va faire le tour du monde. Ça commence par un voyage en Afrique. En 32. D'accord. Où là, il a une vision de l'Afrique qui est très moderne et qui, pour le coup, est anti-colonialiste, ce qui n'est pas encore tout à fait tellement à la mode. Non, d'autant plus que l'année avant, il y avait eu l'exposition coloniale à Paris, où on avait montré le rôle extraordinaire de la France en Asie et en Afrique, etc. Mmh. Et puis, Simenon fait un trajet d'est en ouest, à l'inverse de tous les touristes de l'Afrique. Et là, il se rend compte qu'il n'y a que deux choses dans le monde colonial, c'est le cynisme et l'horrible, et la cruauté. Mmh. Et il va d'abord écrire un reportage qui s'appellera « L'heure du nègre », et qui se termine par cette phrase « Oui, l'Afrique vous parle et elle vous dit merde ». Et dans ce texte, parce que outre ce mot, cette chute assez qui a fait d'ailleurs du grabuge jusque dans le gouvernement du président Lebrun, puisque le ministre des colonies est intervenu en disant « c'est une honte », mais dans ce reportage, il disait « Je me demande qui des Français, des Belges ou des Anglais sera bouté d'Afrique les premiers ?» Donc on est déjà dans un regard totalement inversé, comme vous le disiez très bien, de la politique coloniale, comme ça. Donc, et puis alors il va sortir un livre qui a toujours à lire et à relire, qui s'appelle « Le coup de lune ». Gainsbourg en a fait une très belle adaptation qui s'appelle « Équateur » d'ailleurs, qui a bien vieilli, c'est ce qu'on peut dire. Et là, il va montrer le côté ignoble de la colonisation. Des colons qui se permettent de tuer comme ça un nègre parce que par amusement ces types qui prennent des carabines et qui tirent sur les cadavres qui se promènent sur le fleuve d'ailleurs dans Coup de torchon Tavernier reprendra l'anecdote d'ailleurs. Donc ça c'est le côté altruiste de Simenon. L'autre côté altruiste de Simenon, c'est quelques années plus tard quand à La Rochelle sous l'occupation il va se faire au commissaire aux réfugiés et va accueillir notamment les réfugiés belges qui arrivent en gare de La Rochelle et vraiment tout faire pour qu'ils se sentent le mieux possible. C'est merveilleux que vous parliez de ça parce que c'est un côté, on dit toujours Simenon, ben, un peu cynique, un peu misanthrope, misogyne, etc. Et là, on a un Simenon qui est d'un altruisme, d'un dévouement extraordinaire, puisque, bon, c'est la guerre, hein, le rush du Reich, si vous voulez, fait que, ben, tout simplement, les Belges évacuent, les Ardennais français évacuent, etc. Et tout le monde descend vers le sud, c'est l'évacuation. Mmh. Et là, il faut, ce sont des migrants de l'époque, hein, il faut les accueillir. Et Simenon va se dévouer corps et âme, et surtout jour et nuit. Pour leur trouver à manger. Pour leur trouver à manger, les mettre dans les fermes pour ceux qui travaillent, aider les femmes qui accouchent, les vieillards, les bébés, etc. Et en même temps, il y a cette clarté du dévouement qui fait qu'il connaît enfin une histoire d'amour, une vraie, cette fois-là, où c'est une fille très jeune, une guide de France, qui s'offre à lui en tant que femme. Et là, ça va être, si vous voulez, le germe pour quand il va écrire le fameux roman « Le train ». Donc ça, c'est l'aspect clarté de cette période-là. Oui. Le côté moins clair, il faut y aller aussi. Oui, c'est le fait qu'il siège donc dans un certain nombre de prix littéraires avec Drieu-La Rochelle, Sacha Guitry, etc. Oui. Et puis qui fait du cinéma sous l'occupation. C'est-à-dire qu'il vend les droits de Maigret et d'autres droits à la Continental Film, qui est une société allemande, nazie, hein, qui a décidé de faire continuer les productions françaises durant le conflit. Et là, il a des contrats avec la Continental Film. C'est ce qui lui sera reproché, d'ailleurs, en 1945. J'ai écrit un livre là-dessus, puisque j'ai retrouvé les archives dans ses propres archives à Lausanne. Et là, Évidemment, il est coincé. Et puis il y a aussi le fait que son frère, lui, était pour le coup engagé aux côtés des fascistes. Oui, mais en Belgique. En Belgique. Donc là, il n'y a aucun lien. D'ailleurs, le frère, quand vous dites qu'il a été du côté des fascistes, il a été un agent du gouvernement, disons, l'équivalent de Pétain chez vous, hein, de Rex, hein, de Grêle. Et j'ai retrouvé, évidemment, sa participation lors d'une tuerie où on élimine des résistants qui ont assassiné à Colabo. Et là, il va être condamné à mort en 1947. Et puis, mais il va fuir à la Légion et il va mourir dans une embuscade au Tonkin. De toute façon, il s'était jamais tellement bien entendu non, entre le frère et la sœur, entre les deux frères. C'est d'ailleurs une thématique qu'on trouve dans toute l'œuvre de Simenon. Le frère fort, le frère faible. Le frère fort, c'est Christian. Qui loupe sa vie, hein, il a été colon en Afrique, hein, alcoolique, patenté, et le frère fort, c'est-à-dire je veux, c'est-à-dire Simenon. Alors après la guerre, Simenon va partir aux États-Unis, il va même penser à un moment donné prendre la nationalité américaine, vraisemblablement ça ne se fait pas. On est venu lui demander, on est venu conseiller en disant écoutez, vous êtes dans le club, maintenant il faut prendre une carte de club. Donc il a commencé à étudier la constitution américaine et pour passer l'examen, etc. Mais après il a renoncé pour deux raisons bien précises. Et alors, ces années américaines extraordinaires, les années américaines. Parce que là, il le dit d'ailleurs dans son interview, c'est il comprend les Français, mais seulement quand il arrive aux États-Unis, hein, il a fait différents endroits aux États-Unis, il se rend compte qu'il est dans l'avenir du monde. Donc là, il s'éveille en lui une sorte de lucidité générale, universelle. Il comprend. Mais il va continuer aussi à être Simenon, c'est-à-dire que l'Amérique des années 50, elle n'est pas toute rose, hein, c'est les problèmes raciaux effrayants, McCarthy. Le refus des noirs dans les universités, c'est le macartisme qui l'effraie, qui le glace, il suit d'ailleurs les émissions à la télévision américaine, et c'est peut-être en partie pourquoi il a renoncé à devenir citoyen américain devant ce macartisme effrayant. Donc retour en France, il prétexte qu'il a la nostalgie de ce pays, non, dont il se sent plus proche. Non, c'est pas le prétexte, c'est la réalité. Il prétexte autre chose en disant mais je pars, je reviendrai, etc. Mais en fait, j'ai retrouvé une lettre qu'il envoie à Sven Nielsen, qui est le directeur des presses de la Cité, et il dit je n'ai rien dit, mais la vérité, j'ai le blues. Mais pourtant, il va partir en Suisse après. Ah, mais il voulait pas aller en Suisse. Ah. Pas du tout. Parce que, d'abord, il va revenir en France. Mais il voulait retourner aux Pays-Bas, là où Maigret était né. Il y a comme une sorte d'écho, là, au mal du pays, si vous voulez, hein. Je veux aller. Mais sa nouvelle femme, parce qu'on va en parler de ça, son épouse. Ah, on va en parler si on a le temps. Si alors, on a le temps, ce que vous voulez etc. dire à son sujet, parce que là, on arrive à la fin de l'émission. Son épouse, elle veut la vie de star, donc ils vont sur la Côte d'Azur. Et après, pour des raisons purement commerciales et autres, il rejoindra la Suisse. Donc, vous parlez de Teresa, alors, l'italienne? Non, en 1905. Quand il divorce à Reno, aux États-Unis, parce que en 1945, il a rencontré une jeune secrétaire, Denise Ouimet, qui est une Canadienne d'Ottawa, qui est un personnage de désordre. Mais c'est pour ça que cette femme le fascine. On s'y perd un petit peu, il faut dire, dans toutes les femmes de Simenon, Michel Carli. Les dernières années ressemblent à quoi? Parce qu'après 1973, je rappelle qu'il meurt en septembre 1989, il n'écrira plus vraiment de romans. Il va revenir sur les traces de sa propre vie. Mais il arrête en 72, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il descend, il veut écrire un roman et il reste sec. Il ne peut rien sortir. Et alors, il va à l'ambassade de Belgique à Lausanne et il va faire changer sa carte d'identité en disant « sans profession ». Parce que, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, ce n'est pas parce qu'il est sec, c'est parce qu'il est déjà dans la septantaine et qu'il va presque avoir 70 ans, 72, 70 ans, excusez-moi. 70 ans. Et il n'a plus l'énergie pour devenir un autre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de métempsychose, une sorte de transmutation. Il devient chaque fois son personnage. Et là, c'est trop dur, c'est trop épuisant, et il renonce. Merci beaucoup Michel Carli pour ce retour sur la vie de Georges Simenon. Retour évidemment trop rapide. Je rappelle que vous êtes universitaire, scénariste, spécialiste de Simenon, à propos duquel vous avez écrit de très nombreux ouvrages, dont le dernier s'appelle « Sur les traces de Georges Simenon ». Il est paru en 2017 aux éditions Renaissance du Livre. Demain, nous serons en compagnie de Pierre Assouline pour évoquer l'œuvre de cet auteur particulièrement prolifique. Mais tout de suite, comme chaque jour, c'est le moment de la poésie sur France Culture. Et c'est avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Seija Stoška. Les poèmes de cet autodidacte ont été arrachés au carnet où se mêlaient dessins, souvenirs de l'horreur, notes journalières et listes de mots allemands dont elle voulait apprendre l'orthographe. Auschwitz est mon manteau et autres chants tziganes, paru chez Bruno Doucet. Unsere Badewanne war der Bach, unsere Heimat die Straße, unser Brot waren die Menschen. Le ruisseau était notre baignoire, la rue notre pays natal, notre pain, les hommes qui nous le donnaient. Notre souffrance, personne ne la voyait. Nos morts gisent dans la terre, le pays où ils sont nés. La nature est notre première mère, le vent est le frère du rhum, la pluie, la sœur de la rhum, et tout le reste va avec. Auschwitz est mon manteau, tu as peur de l'obscurité. Je te dis que là où le chemin est dépeuplé, tu n'as pas besoin de t'effrayer. Le tournesol est la fleur du rhum, elle le nourrit, elle est la vie, et les femmes se parent de lui, il a la couleur du soleil. Oui, vous me direz, poésie assez enfantine, faut peut-être pas la lire jusqu'au bout, celle-ci. Effectivement, certains des poèmes sont juste des chansons joues avec la légèreté. Je suis une racine, autrichienne d'origine. Une racine qui non plus n'accepte pas qu'on la déplace. Je ne prospérerai nulle part ailleurs. Oui, chez nous, il y a tout ce dont j'ai besoin. Et notre mère, la terre, nous a offert l'Autriche et la terre autrichienne. Continue à être pure et en bonne santé. Et maintenant, une fois encore, je le dis, je suis une racine autrichienne d'origine. Mes racines sont profondément enfoncées dans la terre et mon peuple est vigoureux et en bonne santé. Et la terre de notre Autriche est sans noyau et pourtant en pleine santé. Auschwitz est mon manteau. Tu as peur de l'obscurité? Je te dis que là où le chemin est dépeuplé, tu n'as pas besoin de t'effrayer. Je n'ai pas peur, ma peur s'est arrêtée à Auschwitz et dans les camps. Auschwitz est mon manteau, Bergen-Belsen ma robe et Ravensbrück mon tricot de peau. De quoi faut-il que j'aie peur? En ce moment, les peintures de Seija Stoška se trouvent exposées à la Maison Rouge à Paris. Elle écrit « Si les images pouvaient parler, elles nous diraient ce que nous faisons, tout ce que nous supportons et que notre époque s'écoule vainement. Et nos cœurs sont vides. Jadis on a parlé avec son cœur, tout simplement, directement. Mais on ne peut arrêter le temps. C'est ce que se dit l'image. » Merci Jacques Bonafé, vous consacrez votre semaine de lecture à la poétesse autrichienne Seija Stoška.